بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من يذكر الحديثين اللذين أخذناهما في الدرس الماضي qui se rappelle Hattabil ma'ana, même par le sens des deux hadiths qu'on a pris la dernière fois. Même par le sens. La had. Ibn Man. La, laisse à Omar. Amr. Ah, Amr. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدره حتى العجز والكيس الكيس نعم que toute chose se déroule par la prédestinée d'Allah Azza wa Jal même l'incapacité ou le lancement des choses apporté par muslim فذكرنا بعض المسائل تتعلق بالقدر. On a pris certaines questions relatives au sujet du destin. Et que toute chose se passe, malgré tout, selon la mashia, la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ou le hadith al-thani, est-ce qu'on le cas d'Alik ? Non. أحسنت نعم وتجمع حديث سلم أبو هريرة رضي الله عنه المسجد الله عليه الصلاة والسلام il a dit que celui qui appelle à une guidée qu'il aura la récompense équivalente à celle de ceux qui l'auront suivi sans que cela ne réduise en rien de leur récompense à eux et celui qui appelle à un égarement il aura du péché l'équivalent de ceux qui l'auront suivi en cela sans que cela ne réduise en rien de leur péché. Apporté par Muslim. Naam, Arsent. Taïb Nour Asid, Inch'Allah. Yaqoul al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-hadi achar. Le 11e hadith. An Mu'awiyah radiyallahu anhu qal qal Rasulullah alayhi salatu wassalam من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Le message d'Allah عليه الصلاة والسلام il a dit celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et le hadith est le muttafaqun alayhi. عندك ريان. ما معنى muttafaqun alayhi? Il est afun. Ça veut dire quoi muttafaqun alayhi? أحسنت نعم إن شاء الله يقول هذا الحديث من أعظم فضائل العلم وأن العلم النافع علامات سعادة علامات على سعادة العبد وأن الله أراد به خيرا في حديث et parmi les hadiths qui démontrent le plus le grand mérite du ilm et que ce ilm est un signe du bienfait sur le serviteur et que Allah Azza wa Jalla lui veut du bien. يقول والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان فإن الدين يشمل الثلاثة كلها كما في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدودها فسر الإيمان بأصوله الستة وفسر الإسلام بقواعده الخمس وسمي بأركانه الخمس وفسر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك Donc le fiqh en religion, cela englobe la compréhension des fondements de la foi et des rites de l'islam, ses emblèmes, les symboles et de ses règles. Également de la réalité de l'excellence, qu'on appelle ihsan. La religion englobe ces trois choses-là. Comme cela a été prouvé dans le hadith de Jibril, alayhissalam, lorsqu'il interrogeait le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, à propos de l'iman, de l'islam et de l'ihsan. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, chacun de ces trois fondements en mesure de ses limites. De façon brève, concise. Il expliquait l'iman par ses six. Il a dit le six fondements là, c'est six. Non, c'est six piliers kadhalik. Tayyib. Man yuzakiruna bi usul al-iman, les six piliers de la foi. Tafadhal. Naam. Ahsante. C'est le fait de croire en Allah Azzawajal, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, au jour dernier et au qadar, qu'ils soient bons ou mauvais. Et le qadar, quand takalamna hawlahu fi ders ma'adin. Le qadar, on a un peu parlé dans le ders précédent. Et je pense que ce hadith va venir dans le livre, inshallah. Donc le tafakkur fi din, il emmène à comprendre ces choses-là. Que représente le fait de croire en Allah Azzawajal? Concrètement. Que représente le fait de croire en ses livres? Concrètement. Et en ses messagers, tous. Et aux anges, et au jour dernier. Et au qadar. Ce n'est pas une croyance superficielle de passage. Mais c'est une chose qui vient en profondeur. Et en détail. Il a également expliqué l'islam avec ses cinq piliers. Andak. Les cinq piliers de l'islam. Tu peux nous le citer? La cite. Shahadat an la ilaha illallah wa an. Deuxième shahada, c'est quoi? Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ahsant. Wa iqami salat wa ita'i zakat wa hajj al-bayt wa sawma Ramadan. Ahsant. Mashallah. Donc, naam, les cinq piliers de l'islam, comme dans le hadith d'Ibn Omar, comme le frère Hafzallah l'a cité, c'est que l'islam était bâti sur cinq, les deux attestations, l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le hajj et le somme de Ramadan. Dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité ces cinq-là. Waqal, qu'il a expliqué al-ihsan, ce qu'on appelle l'excellence, la bienfaisance qui est entre le serviteur et son Seigneur, c'est que tu adores Allah Azzawajal comme si tu le voyais, et si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ça s'appelle al-muraqaba, si tu sens que Allah t'observe. Donc le fiqh fi din, ça amène à comprendre ces choses-là. En premier lieu, yaqul fayadkhulu fi dhalika at-tafakkur fi al-aqaid wa ma'rifat madhhab as-salaf fiha. والتحقق فيه أو به ظاهرا وباطنا ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة. Ce tafakkur fi din, il rentre dedans également la croyance. Comprendre les croyances. Enfin, à la base, c'est une croyance. De comprendre la voie des salafs. Et de bien l'analyser sous tous ses angles. De comprendre également, de connaître également la voix des opposants, les gens des passions qui se sont opposés à la croyance des gens de la sunna. Car on connaît les choses selon leur opposé. Et il faut savoir répondre aux gens. Il a dit que nas ou nasun wa qad dakhalat fihim ash-shubah min qibl al-mukhalifin fa alayka an tubayyin lahu wajh al-butlan. Si une personne te vient qui a été atteinte par des ambiguïtés des opposants de la voie des salafs, il faut être en mesure de pouvoir les clarifier autant que possible. Yaqul wa bayyan mukhalafatiha lil kitab wa sunnah. Naam. et de pouvoir les clarifier, comme on vient de le dire, avec les preuves du livre de la Sunna, autant que possible. فَهَذَا مِنَ تَفَكُهُ فِي الدِّينِ Ça rentre dans la compréhension de la religion. Celui à qui Allah Azza wa Jalla lui veut du bien, il comprend cela. وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ عِلْمُ الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ أَحْكَامِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْجَنَايَاتِ وَغَيْرِهَا Ça concerne aussi de comprendre le fiqh, ce qui est traduit par jurisprudence en français. De comprendre ses fondements et ses branches, de comprendre les règles des rites d'adoration et des négoces et échanges, et également ce qui est relatif aux délits que les muslims peuvent commettre, savoir comment les réparer et savoir comment y faire face. Car les gens font du bien, mais également font du mal. Et dans le mal qu'ils font, il y a des règles. Par rapport à le vol, l'escroquerie, ou autre. Ou même certains qui sont amenés à tuer des gens injustement, ou à blesser. Tout cela, il y a des règles à suivre. Donc dans le tafakkur fi d-din, ça t'amène à savoir comment agir. Et que chacun prenne son droit. Autant la victime que l'auteur du délit. Lui aussi, il a des droits, mine de rien. Il a beau avoir commis des délits, il a des droits. Il ne faut pas dépasser les droits et le faire subir plus que ce que Allah Azzawajal a déjà décrété pour lui. يقول دخل في ذلك التفكر بحقائق الإيمان ومعرفة السير والسلوك إلى الله عز وجل الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. Ce tafakkur fi d-din, on y trouve également la compréhension de la réalité de la foi. Et comment parvenir vers Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire faire les actes qui sont acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les actes qui sont en conformité avec la révélation. Pour ne pas tomber dans la bid'a. Et voire pire, dans le shirk. وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها. Ça concerne d'apprendre tous les moyens qui mènent justement à comprendre la religion. Il y a des sciences, ces sciences se divisent en deux. معنى علوم الغاية وعلوم الآلة. علوم الغاية, ce sont les sciences de l'aboutissement, celle qu'on doit concrètement atteindre. Et on a ulum al-ala, ce sont les sciences qui te permettent d'arriver à ces sciences-là de l'aboutissement. Mathalan, min ulum al-ghaya at-tafsir, être en mesure de lire le Coran et de le comprendre. Ça, c'est un but. Également, al-aqida, al-tawhid, sont des sciences d'aboutissement. Et min ulum al-ala, on va dire les sciences qui sont des outils, des instruments, la langue arabe, elle te permet d'arriver à ces sciences-là. Avec la langue arabe, tu vas comprendre le Coran. Avec la langue arabe, tu vas comprendre le tawhid. T'as même Ma'athalan usul al-fiqh, c'est ilm ala. C'est une science qui est outil, un instrument qui te permet d'arriver à une autre. Elles ne sont pas toutes pareilles. Mais celle qu'il faut avoir, c'est de la croyance. Pour avoir la bonne croyance, le tafsir du Coran, lorsque tu lis le Coran, tu le comprends. Le fiqh, lorsque tu lis le hadith, tu le comprends. Et tu as des ulum qui t'amènent à pouvoir atteindre cet objectif. Donc tout moyen qui te mène à ces ulum al-ghaya rentre dans le tafakkur fi d-din. Il faut que tu les prennes. Elles sont comme un escalier qui te permet d'aller à l'étage au-dessus. Un ascenseur. Tu vas aller en haut de la maison. Il te faut des moyens qui te mènent de pouvoir monter. Donc ulum al-ala rentre là-dedans. فَمَنْ رَضَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَقَّهُ فِي هَذِي الْأُمُورِ وَوَفَّقَهُ لَهَا Celui à qui Allah veut du bien, il fait comprendre toutes ces choses-là et lui accorde la réussite. وَدَلَّ مَفْهُومَ الْحَدِيثِ يعني بِمُخَالَفَةِ en opposition à ce hadith أَنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ هَذِي الْعُلُومِ بِالْكُلِّيَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ بِهِ خَيْرًا لِحُرْمَانِهِ الْأَسْبَابَ الَّتِي تُنَالُ بِهَا الْخَيْرَاتِ وَتُكْتَسَبُ بِهَا السَّعَادَةِ Donc ce hadith, on le comprend par opposition que celui qui se détourne de cette voie pour apprendre la religion de façon, il s'en détourne de façon totale, c'est une personne à qui Allah ne veut pas de bien. Car le hadith dit, celui à qui Allah veut du bien, il fait comprendre. Donc celui, tu vois, qui se détourne de cela et qui ne t'intéresse pas, c'est un signe que Allah ne veut pas du bien. Wa yatakallam bihi huwa bil kulliyah. Quelqu'un qui s'en détourne totalement. Parce que déjà, des fois, des gens, ils n'ont pas forcément une grande motivation. Ou des fois, ils sont occupés. Mais ils souhaiteraient le faire. Là, on parle de gens qui ils n'en ont rien à faire. Wa yumassil bithalika ou lithalika bihadith haoula al-falatha al-lazi dakhalou al-masjida wa al-nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'alim al-nas. On voit comme exemple du hadith de ces trois qui est rentré dans le masjid alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux gens. فدخل أحدهم وجد مكانا في الحلقة فدخل فجلس. والثاني جلس في المؤخرة استحيا من الله عز وجل. والثالث أعرض ومشى. Il y en a, il a trouvé une place, il s'est assis. Il est rentré, il s'est assis. فقال هذا أقبل الله فأقبل الله عليه. Celui-ci, il est venu vers Allah, donc Allah s'est consacré à lui également, si on peut traduire comme ça. Le deuxième, il était gêné. Donc Allah Azzawajal était gêné de lui. Il est resté un peu loin. Le troisième, il est parti. A'rada. Fa'arada Allahu anhu. Il s'est détourné d'Allah Azzawajal, donc Allah s'est détourné de lui. Kama ta'alamoun. Wa hatta akhazna wa qad akhaztum miman darasa fi nawaqid al-islam. Hada. Parmi les choses qui peuvent annuler l'islam, c'est le fait de ne pas s'intéresser à la religion de façon totale. Ni amour, ni désaveu, ni intérêt, ni rien du tout. Bilkulliyah. Les gens, ils vont se dire, être musulman, quand tu parles de religion, il n'en a rien à faire. Tu parles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'en a rien à faire. Que lui, parler du prophète, d'aimer le prophète, ou d'aimer je ne sais qui parmi les gens du mal, pour lui, c'est pareil. Il n'y a pas d'alliance, pas de désaveu, rien du tout. Fabidayat adil marhala wa hada al-i'rad an al-ilm. Ça commence comme ça. Quelqu'un qui se détourne du fait d'apprendre la religion, et il finit comme ça, malheureusement. Et ça peut amener, comme vous l'avez compris, à une chose qui annule l'islam de la personne. Wal'a'adhu billah. Donc celui à qui Allah Azza wa Jalla lui veut du bien, il veut comprendre la religion. D'accord ? Et cette personne-là doit faire les efforts. Déjà, apprendre auprès de qui cette religion s'apprend. فَإِنَّ هَدَى الْعِلْمِ دِينَ فَانْظُرُوا عَلْ مَنْ تَخُوذُوا دِينَكُمْ. Comme l'a dit Mohamed ibn Sirin, que cette science est une religion, donc regardez qui vous prenez votre religion. Donc en premier lieu, savoir vers qui tu vas aller pour apprendre. Car il y a plein de gens aujourd'hui qui enseignent. Mais concrètement, peu d'entre eux sont vraiment fiables. Même s'ils ont des connaissances, t'amener une voie qui va te préserver en religion, il n'y en a pas beaucoup qui vont l'avoir, malheureusement. Donc en premier lieu, tu apprends à connaître qui sont les ulama. Les ulama de la sunna, les gens vers qui on revient, tant les contemporains que les anciens. Non. Et ensuite, les gens qui sont en mesure de te retransmettre ces sciences apprises auprès de ces ulama. Bien que personne n'est parfait, personne n'est à l'abri d'une erreur, mais il y a erreur, il y a suivi de passion, et il y a également le fait de mentir en religion, d'inventer, et d'innover, malheureusement. Naam. Alain Nakhouz al-Hadith al-Thani Achar. Et vu que le charh est un peu long, on va prendre certains paragraphes, pas tous. Yaqul al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل شيطان رواه مسلم. البروفيت عليه الصلاة والسلام il a dit que le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Mais que dans les deux, on trouve du bien. Il a dit, soucie-toi de ce qui t'est utile, de ce qui te profite. Et recherche de l'aide auprès d'Allah Azzawajal. Et ne baisse pas les bras. Et si une chose t'atteint, ne dis pas, si j'avais fait telle et telle chose, il se serait passé telle et telle chose. Mais cependant, dis que ce que Allah a prédestiné, cela arrive. Car le fait de dire si, Et on expliqua que veut dire si ici, car c'est pas tout si qui rentre dans ce jugement-là. Ça ouvre les portes de Shaitan. Le hadith rapporté par un musulman. Yaqul al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Hada al-hadith ijtamala ala usul 'azima wa kalimat jami'a. Ce hadith lui-même se base sur d'immenses fondements et des paroles générales qui englobent beaucoup de sens. Comme c'est le cas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, généralement il dit des paroles qui sont peu nombreuses mais qui renferment beaucoup de sens. فمنها إثبات المحبة لله وأنها متعلقة بمحبوبته وبمن قام بها. Ce hadith en premier lieu affirme de l'attribut de l'amour que Allah Azzawajal il aime. ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته. Et que cet amour est lié également à sa volonté. وأيضا تتفاضل فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. Et que cet amour il varie. Cet amour il varie. Il peut varier d'un croyant à un autre. Plus le croyant il est fort, plus cet amour sera fort. Il sera plus grand. À savoir qu'Allah Azza wa Jalla il aime tous les croyants. Mais ils ne sont pas tous égaux. ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال الأفعال كما هو مذهب السنة والجماعة. Et ce hadith nous indique que la foi, ça renferme la croyance du cœur, les paroles et les actes. كما تعلمون. La foi, ça rentre dedans le cœur, la croyance, les paroles et ainsi que les actes des membres. Comme cela est la voix des gens de la sunna. فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Le plus haut, la foi, comme dans le hadith d'Abu Huraira, elle est de à peu près 70 dizaines de branches. Et dans une version, 60. La plus haute, c'est de dire la ilaha illallah. Donc c'est qawl, parole. La plus basse, c'est-à-dire le niveau le plus bas de la foi, c'est de ôter les choses qui font obstacle sur le passage. Donc ça, ce sont les actes des membres. Et il dit que la pudeur est une branche de la foi. Et la pudeur, c'est un acte du cœur. C'est un acte qui est interne. Mais cette pudeur, elle se retrace. Elle se reflète à travers les actes. Quelqu'un qui est pudique, ça doit voir à travers ses actes. Même ses paroles. يقول وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة وظاهرة كلها من الإيمان فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح كمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. Celui qui accomplit pleinement ces trois choses-là, c'est-à-dire qu'il a une foi, il a une croyance qui est, pardon, une croyance qui est complète, et des actes en conformité avec la révélation, et une bonne croyance, et qui s'enjoint avec les autres dans la vérité et dans la patience, lui, c'est le croyant qui est fort. Tandis que celui qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, c'est le croyant qui est faible. وهذا من أدلة السلف أن الإيمان يزيد وينقص وذلك بحسب علوم أو نعم علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله. Et ça c'est parmi les preuves que les salaf sur lesquels ils se basent pour dire que la foi elle monte et elle descend. Elle monte avec les actes pieux. Et elle descend en délaissant les actes pieux ou en commettant des obéissances. Tout cela en mesure des actes de la personne. Tayyib, al-iman, yazid ou yankos. Wad al-asl qad dalla alayhi al-kitab wa sunnah fi mawadi' kathira. Et ce fondement est prouvé dans la révélation, dans le livre de la sunnah, en différents endroits, dans différents versets et différents hadiths. Pour ne pas les citer ici, car ça allongeait le ders. Il a dit, Masail ma'loum ma ladeikum. قال ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفضول فقال وفي كل خير. Lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم il a parlé des deux croyants en citant que un était meilleur que l'autre, d'accord, pour éviter que ne soit diffamé le croyant qui est faible, il a dit à la fin que les deux ils ont du bien, pour ne pas qu'on dise celui qui est faible n'est pas bien, il est bien quand même. Le fort est meilleur, mais celui qui est faible, il est bien quand même. Ça reste toujours un croyant. Donc, il faut souvent amener à agir de la sorte lorsque tu compares deux choses qui, à la base, toutes les deux sont un bien, mais une est meilleure que l'autre, de ne pas non plus négliger celle qui est moindre. Citer le bien qu'elle contient quand même. Et également, lorsque tu cites deux mots, un qui est pire que l'autre, de ne pas minimiser celui qui est moindre, qui est grave quand même. Souvent, c'est ce qui arrive avec le shirk. Et je le rappelle souvent, par exemple, lorsque les gens ils traduisent shirk akbar comme étant le grand shirk et le asra comme étant le petit. Allah, j'aime pas cette traduction-là parce que petit, ça amène à minimiser la chose. Les gens voient petit, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas petit. C'est moindre. Akbar, là-bas, c'est plus grand. Et asra, c'est plus petit. Ça ne veut pas dire petit. C'est-à-dire, il est plus petit que l'autre, mais l'autre, il est grand quand même. L'exemple que je donne souvent, tu as un homme qui rentre et fait 2,50 m. Tu vas dire quoi de lui? Il est grand. Vous voyez? Un, il vient, il fait 2,40 m. Tu vas dire, il est petit? Tu vas dire, l'asrar min al-awwal. Il est plus petit que l'autre, mais est-ce qu'il est petit? Il reste grand quand même. Et pour les gens, quand tu dis ça, on dirait t'en as un, il fait 2,40 m et l'autre, il fait 1,20 m. Donc, ils disent petit shirk. Il est là. Il dit, il est plus petit que le grand. Mais il est grand quand même. C'est le plus grand des péchés. Après, le grand shirk. Donc, même lorsqu'on parle d'une chose qui est gravissime et une qui est moindre, on sait quand même le mal qu'elle contient. Kazalik, mathalan, fil masa'il, fil tarq as-salat. Le délaissement de la salat. Vous savez qu'il y a un khilaf entre les ulama. Mais ceux qui disent que le délaissement de la salat n'est pas du kouf akbar, ils minimisent pas la chose. C'est très très grave. Faut pas dire que la salat c'est pas grave, ça reste un muslim. C'est très très grave, malgré tout pour eux. Bien comprendre la chose. Juste, ils émettent le jugement que cet acte-là, pour eux, ne fait pas de toi un kafir. Mais c'est un acte qui est dramatique. Qui est immonde pour eux. C'est une chose qui est grave. Il peut amener à ce qu'on divorce, on fasse divorcer un homme entre un homme et sa femme. Et autres. Donc lorsqu'on cite deux mots, que l'un pire que l'autre, même le moindre des deux, on montre quand même sa gravité. Et lorsqu'on cite deux biens, un qui est meilleur que l'autre, on ne minimise pas également le moindre des deux. Vous voyez, c'est important. Yaqul wa fi hadha al-hadith anna al-mu'minin yatafawatun fi al-khayriyyah wa mahabbati Allah wa al-qiyam bi dinihi wa annahum fi dhalika darajat wa likullin darajatun mimma 'amilu. Dans ce hadith, on nous montre que les croyants sont de différents niveaux, dans le bien, et dans l'amour que Allah leur accorde également. Et dans l'application de la religion, ils ne sont pas tous égaux. Et dans le sens où Allah est dit, et chacun auront le niveau en fonction de ce qu'ils auront œuvré. Al-Arkaf, verset 19. وَيَجْمَعَهُمْ ثَلَاثَ أَقْسَامٍ. Donc ces croyants, l'auteur les a mis en trois catégories. السابقون إلى الخيرات. D'accord ? Ceux qui se devancent dans le bien. Ce sont ceux-là qui sont dans le hadith, Al-Mu'min Al-Qawi, celui qui est fort. Il est décrit comme étant ceux qui en font les obligations, les actes recommandés, qui délaissent les choses interdites et les choses détestables. Et également, ils délaissent les choses permises qui ne servent à rien, qui peuvent être une passerelle qui amène vers les choses détestables et après par les choses interdites. Même les choses permises, mais qui n'ont pas d'utilité, les délaissent. D'accord ? Donc ces gens-là, quand Allah wattasafu bi jami' sifat al-kamal, ces gens-là, ils sont caractérisés par les attributs de la perfection, bien sûr, chez l'homme. D'accord ? Chez l'homme. Donc ça, c'est la première catégorie. السابقون إلى الخيرات ceux qui devancent le bien. ثم قال ثم المقتصدون ceux qui sont moindres. الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات ce sont ceux qui se contentent de faire les obligations et de délaisser les interdits. C'est tout. وقد تكلمنا حول نحو هذا. On a déjà parlé de ces gens-là dans les hadiths précédents de cet homme qui est venu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant que vois-tu, si jamais je fais les 5 salawat, je fais le siyam de Ramadan et que je rends halal le halal et haram le haram, c'est-à-dire que ce qui est halal, je le fais, ce qui est haram, je le délaisse, est-ce que je rentrerai au Jannah ? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit na'am. Ou encore là, dans une version, aflahan sadaq, qu'il réussira s'il est véridique. Donc les personnes qui se limitent aux obligations, mais également qui délaissent les interdits. C'est pas je fais ce qui est obligatoire et à côté je suis du haram. On est par de ceux qui se limitent aux obligations sans faire plus, mais délaissent également l'interdiction. Eux, ils sont moindres que les autres. Ça, c'est la deuxième catégorie. ثُمَّ ظَلِمُوا لِنْفُسِهِمْ ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. الَّذِينَ خَرَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَأَخَرَ سَيِّئًا ce sont ceux qui ont mélangé entre les actes de bien et de mal. Ils font du bien, mais font du mal également. Ils vont faire des choses obligatoires et vont délaisser certaines. Vous voyez ? Et ils vont délaisser des choses interdites et vont commettre certaines. Donc ils ont mélangé eux. Mais ils restent des croyants. Donc on répète ces trois catégories sont importantes. As-sabiqun ila al-khayrat, ceux qui se devancent dans le bien. Ceux qui font les choses obligatoires et plus les choses recommandées. Qui délaissent les choses interdites et plus délaissent les choses détestables. Et également, ils délaissent les choses permises qui sont en surplus, qui n'en servent à rien. Haoula, al-mu'minun al-akhwiya. Ce sont les croyants qui sont forts. Thumma, al-muqtasidun. Ceux qui sont moindres. Ceux qui se limitent à faire les obligations et à délaisser les interdits. C'est tout. Et ensuite, al-zalimun al-fusihim. Les injustes envers eux-mêmes. Ceux qui mélangent, font du bien et font du mal. Ils font des obligations et en délaissent certaines. Il délaisse certains interdits et en commet certains. Wa'akada. Yaqul, waqouluhu ihlis ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Kalamun jami'un, nafi'un, muhtawiyin ala sa'adat al-dunya wal-akhira. Lorsqu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-hadith, et soucie-toi de ce qui t'est profitable et recherche de l'aide auprès d'Allah. Également, c'est une parole qui est générale. Profitable et qui englobe les choses qui apporteront le bienfait en ce moment dans l'au-delà. Yaqul wal umur an-nafi'a qisman. Umur diniya wa umur dunyawiya. Les choses qui sont profitables, elles sont de deux sortes. Celles qui sont liées à la religion et celles qui sont liées à la dunya. Ouais, je vais te traduire direct directement, ça va être long. Il dit que le serviteur a besoin de choses mondaines et de choses religieuses. Les choses mondaines, les choses qui vont lui permettre de vivre en ce bas monde. Donc il a besoin de risques, de faire les causes pour son risque. D'accord ? Il a besoin de se nourrir, il a besoin d'un toit, il a besoin de s'habiller, il a besoin de se déplacer, il a besoin de pouvoir, au besoin de sa famille, s'il est marié, il a des enfants, et de faire du bien autour de lui. Sans cela seulement, des causes. D'accord ? Des causes concrètes. Donc là, يستعين بالله ويحرص على ما ينفعه. Il cherche ce qui est profitable. Comme travail halal. D'accord ? Et là, il y a un point important qu'il cite, c'est, je ne l'ai pas souligné, c'est un point qui est important. Non, et cela amène à réprouver la paresse, la fainéantise. Car tu as des gens, ils ne travaillent pas, non pas parce qu'ils ne trouvent pas de travail qui est halal, mais ils sont paresseux. D'accord ? Donc là, c'est bien une chose à différencier entre celui qui ne trouve pas de travail, parce qu'il n'y a pas de halal, il veut travailler, mais il ne trouve pas. Parce que dès qu'il trouve un travail, il y a des choses qui l'interdisent d'entrer dans ce travail-là. Et d'autres, bah, sont des fainéants. Ils ne veulent pas travailler. Donc lui, il blâme ceux qui sont fainéants. Il dit, ah, là, Yakoul, إخلص لما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز. Soucie-toi de ce qui t'est utile. Donc, de trouver une chose, une source de risque. Halal. Recherche de l'aide auprès d'Allah, ça veut dire que tu fais les choses et tu t'en remets à Allah Azawajal. Ou la tarjez. D'accord ? N'abandonne pas, ne sois pas fainéant. Va de l'avant. En mesure de tes capacités. Et il en est de même pour les choses religieuses. Et celles-ci sont prioritaires, bien évidemment. C'est-à-dire que tu fais en sorte, comme dans le hadith précédent, d'apprendre ta religion déjà. La base de tout, c'est l'ilm. Tu ne sauras faire tes salawat correctement si ce n'est avec du ilm. Tu ne sauras faire ton siyam correctement si ce n'est avec le ilm. Tu ne sauras faire ton hajj correctement si ce n'est avec le ilm. Toutes choses a besoin d'ilm. Vous voyez ? Al-ilm, qabla al-qul wa al-amal. Et dernièrement, justement, j'ai entendu une fatwa de notre cher Yahya, hafizallahu ta'ala, il était interrogé par rapport au hadith. Ana wa kafil al-yatim ka hadhain yawm al-qiyamah. Une personne l'a interrogé en disant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: moi, celui qui s'occupe d'un orphelin sera comme ça avec moi le jour de la résurrection, c'est-à-dire comme mes deux doigts. Donc il dit, c'est un fadl azim, c'est un grand mérite. Donc il a été interrogé, le shir, qu'est-ce qui est meilleur, talab al-ilm ou s'occuper des orphelins? Le shir, il a dit, talab al-ilm, c'est meilleur. Pourquoi? Déjà, t'occuper de l'orphelin, tu auras besoin d'avoir du ilm pour le faire. Toute chose que tu fasses, que ce soit un acte surrogatoire ou autre, il faut que tu connaisses les règles, comment agir. Donc le ilm reste meilleur. Et à savoir que ce ilm, il sera utile pour toi et pour tout le monde. L'inna talab al-ilm wa qasduh an tarfa' al-jahl an nafsik wa an ghayrik. Talab al-ilm, c'est pour ôter l'ignorance qu'il y a en toi et également chez les autres. Tu seras utile aux autres. Alors que les gens qui font des sadaqas, qui s'occupent de nourrir les pauvres, des orphelins, des veuves, ce qu'ils font, c'est un bien, mais il est limité. Alors qu'un alim, le bien qu'il fait, il touche le monde entier. Il peut être dans un pays et son ilm atteint l'autre bout du monde par des audios, par des livres et autres. Alors que celui qui s'occupe d'orphelins, il va s'occuper de combien d'orphelins? 2, 3, 4, allez, on dit qu'il est riche, il fait un orphelinat entier. C'est limité. Vous voyez, c'est limité. Ou celui qui s'occupe des veuves, ça va être limité. Alors que le alim, c'est illimité ce qu'il peut toucher. Et t'occuper d'un orphelin, lui donner à manger, le nourrir, ne va pas forcément également l'aider à être droit sur la religion. Parce que cet acte-là de nourrir des pauvres, les koufars, ils le font. Les koufars, ils sont investis là-dedans à fond, du matin au soir. Ils aident des pauvres, ils aident des veuves, ils aident des orphelins. Mais le alim muslim, lui, il est fokakul les shay, au-dessus de tout. Et en plus, ce ilm ne t'empêchera pas d'aider l'orphelin et d'aider la veuve, si jamais tu le peux. Alors que aider l'orphelin ne va pas forcément t'apporter du ilm. Vous comprenez ? Donc la base de tout, c'est l'ilm. Vous voyez, après, chacun, s'il y a de l'argent, machallah, qu'il peut faire au monde, qu'il fasse. Hada bin al-amal bil ilm, ça reviendrait à agir avec la science qu'il a apprise. Par exemple, ce hadith, il a entendu le fait de s'occuper des orphelins, il l'applique, s'il peut le faire. Il a les deux, le ilm, et en plus, il a l'acte. Fahimtum ? Donc, talab al-ilm reste le meilleur des actes après les obligations religieuses. Et dans le ilm, il y a ce qui est obligatoire à connaître. Pour chacun. Est-ce qu'il est surrogatoire? Est-ce qu'il est une obligation commune? Certains s'en occupent, d'autres n'ont pas besoin de le faire. Summa yaqul, je cherche le passage là, mais je ne le trouve pas. Il y a une parole importante qu'il a citée. Tayyib, na'am, c'est ici. Et il dit: wa ma takana harisan. لكن لا غير الأمور النافعة إما الأمور الضارة أو مفوتة للكمال كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والضرار فكم من حريص على السلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفيد من حرصه إلى التعب والعناء والشقاء. Il dit qu'il y a des gens maintenant, ils sont soucieux, ils ont du hirs dans les choses. Cependant, ce hirs, il le met dans des choses qui sont mauvaises. Lui, il a bien dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ihris ala ma yanfa'uk. » Soucie-toi de ce qui t'est utile. T'as des gens, le hirs, c'est long, dans ce qui leur est inutile. Tu vas les voir mettre des efforts intenses dans des choses qui n'ont pas de grande utilité. Ou pire encore, qui vont leur nuire. Ils en font trop dans des choses qui ne servent pas à grand-chose. Dans des choses secondaires, tertiaires ou autres. Et les choses primaires, ils les délaissent. Tu vas les voir, par exemple, par rapport au travail, dont il a besoin, être mou. Mais quand il va au sport, ah, il est intense. Il est intense. Vous voyez ? On va dire le sport, quand même, tu peux en faire. Mais des limites. Le surplus du sport, ça ne va rien t'apporter. Prends ce qui t'est suffisant pour être en forme, d'accord ? Pour garder la forme ou autre. Mais tu as d'autres choses plus importantes derrière. Et ben, tu vas aller voir investir dans les choses secondaires à fond. Et quand l'heure du travail ou d'aller au mosdiz va venir, il sera pas motivé. Donc ça, cette motivation qu'il aura, ne lui servira à rien du tout. D'accord ? Le loisir, le jeu, tant qu'il est halal, des gens vont faire ils vont jouer à des choses qui sont permises. Ils vont en faire trop. Ils passent trop d'heures dedans. D'accord ? Ce qui va amener à nuire à des choses qui sont plus importantes. Fakullu shaybi al-iqtisad, avec modération. Mais des choses profitables, on peut s'y investir vraiment, concrètement. Et surtout la religion. Yaqul fal-umur al-nafi'a fid-din tarji'a ila amrayn. Ilm nafi' wa amal salih. Donc les choses qui sont utiles en religion reviennent sur deux points. La science utile et l'œuvre pieuse. Bien que de base, lorsqu'on dit ilm nafi', ça englobe les œuvres pieuses. À la base, quand on dit ilm nafi', c'est une science qui est utile, donc forcément, elle implique que tu agis. Parce qu'un ilm, il n'est pas forcément nafi'. C'est quel ilm ? Le ilm que tu n'appliques pas. Ce ilm que tu auras appris, tu n'auras pas appliqué, il sera contre toi. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, c'est un argument pour toi, en ta faveur ou contre toi. Ce que tu apprends et que tu n'appliques pas, ce n'est pas nafi', ça sera contre toi. Donc le ilm nafi' englobe forcément le amal salih. Je me rappelle, c'était une munakasha qu'on avait eu avec le frère Hamza, rahimahullah ta'ala, à Damaj, quand on parlait de ça. On disait ilm nafi' wa amal salih, il a dit, ça ne sert à rien de dire amal salih, fil haqiqa. J'ai dit, pourquoi ? Il m'expliquait ça. Il a dit, ilm nafi', ça rentre dedans les œuvres pieuses. Je fais ça, rien. Mais des fois, le ulama, c'est quand même différencier les deux. Donc la première chose, c'est l'ilm nafi' ou l'amal salih. واما الامر الثاني وهو العمل الصالح نو سا ا جي سوتي ان باساج واي نو نو ce passage là je vais pas le dire. Juste on retient que les choses profitables en religion, ça revient au ilm nafi' et amal salih. طيب ساكي روتنيا يقول واما الامور النافعه في الدنيا دونك منو يبارل دي شوز بروفيتابل دون لا دنيا ان سي با مون فالعبد لابد له من طلب الرزق فينبغي ان يسلك انفع الاسباب الدنيويه اللائقه بحاله صون لدي tout à l'heure c'est que le serviteur doit forcément faire des causes pour obtenir son risque. Il doit prendre ce qui est le plus profitable, c'est-à-dire en temps et en fatigue. Il trouve la chose qui est profitable, qui lui permet d'avoir du temps pour sa religion, pour sa famille, d'accord ? Et pour les gens, pour leurs droits. Ce n'est pas travail 24 sur 24. Les koulé chéi wakti. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a sa'a wa sa'a. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour le loisir, il y a un temps pour le repos, un temps pour les autres, un temps pour toi, et surtout, le temps pour Allah. En premier lieu. Quand tu as des gens dans le travail, ils sont investis à fond. Tellement que la religion est mise en seconde. Par exemple, il va au travail, tu lui dis, faire la salat. Non, j'ai pas de temps, j'ai ça à faire. Donc il repousse sa salat. On dit là, comme encore l'état à Allah, on a khalaq tout le djinn, il n'y a pas de boudoune. Je n'écris les djinns, les hommes, que pour qu'ils m'adorent, pas pour que tu travailles. Le travail, c'est une chose qui t'est permise et utile. Mais en premier lieu, tu as été créé pour adorer Allah. Azawajal. Donc ta salat passe avant ton travail. Et sachez qu'un travail, t'empêches de faire la salade à l'heure, c'est un travail qui est haram. Même si de base, il est halal. D'accord ? Tu vends des légumes, tu vends du poisson, tu vends des choses, même des kamis si tu veux, des koutoubs, tu as une maktaba, une librairie, tu vends des koutoubs de Mashallah, de Cheikh l'Islam, des koutoubs de Cheikh l'Anthami, des ulama, la salade t'a vient, non, j'ai pas le temps, je vends des livres. Je dis, tes livres là, c'est tous contre toi. Ce que tu vends là, c'est contre toi. Tu vois ? Donc de base, une chose qui est halal, qui t'empêche de faire ta religion, elle devient haram. Ça rentre dans le sport. Ça en même les enfants, la famille. À l'école, non. Toute chose qui, à la base, n'est pas une obligation et qui t'empêche de faire ta religion, devient interdite. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Oh, vous qui avez cru que vos enfants et vos biens ne soient pas une chose qui vous distrait du rappel d'Allah. Et ceux qui font cela sont ceux-là les perdants. Toute chose que tu fais, qui de base est permise, qui n'est pas une obligation, et t'empêche d'appliquer tes obligations, devient interdite. Même si de base elle est permise. Et même un acte surrogatoire qui t'empêche de faire une obligation, il est interdit. Un exemple, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « salat, il est le maktouba ». Il a dit, lorsqu'on a fait l'ikama, il n'y a plus de salat à part ce qui est obligatoire. Par exemple, tu es en train de faire rakatayn. Il y a l'ikama, tu veux faire rakatayn avant le zor. On dit là, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont t'empêcher de faire ce qui est obligatoire. Donc tu ne la fais pas. Quelqu'un va dire, mais c'est obligatoire. Non, mais là, le temps, il est fini. Maintenant, c'est le wajib qui rentre. Donc cette salat-là, elle va être interdite pour toi. Si tu l'as fait, tu auras un péché. Tu vois? Pourtant, c'est une, à la base, c'est une forme, c'est une ibad. Elle va t'empêcher de faire une autre qui elle, est obligatoire. Fahimt? Non. Donc, يقدم الأولى فالأولى. نعم. Si tu peux la faire, il faut que tu la fasses. À la base, s'il y a un masjid à côté, la base c'est que la salat en jama'a est obligatoire, même au travail. Après, si tu as un lieu de salat à ton travail, tu peux la faire en jama'a avec tes collègues, il faut la faire. Non. Maintenant, tu n'es peut-être pas obligé de la faire dès le début de son temps, mais tu la fais dans son temps. D'accord? Tu la fais dans son temps. Ah, quant à ceux qui sont au travail, qui regroupent le soir, on leur dit vos salats, elles sont toutes baratiles. Sortie du temps, parmi les chourou de la salat, le temps. Et toi, la sortie de son temps sans raison valable. Le travail, c'est pas une raison valable. Tu peux la sortir de son temps quand tu es en voyage, par exemple. Là, il y a des adillah, mais le travail, non. D'accord? Le travail, non. Tu t'arranges pour la faire à l'heure. Et si jamais tu ne peux pas la faire à l'heure, on dira, change pas de salat, change de travail. C'est le travail qu'il faut changer. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُمْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, il trouve une issue et il lui accorde sa subsistance, donc il ne s'y attend pas. Donc ne crois pas qu'en obéissant à Allah Azzawajal, tu vas être perdu. Ça, c'est une chose qu'on a trop dans notre cœur. Si je fais ça, comment je vais faire? Bon, si tu obéis à Allah, tu es perdu. Ça, c'est grave de dire ça, de penser ça. Obéis à Allah Azzawajal, tu seras éprouvé un temps, et après, tu trouveras une solution peut-être meilleure que la première. Non. De prier dans les toilettes handicapées. Pourquoi handicapé et pas autre? C'est quoi la différence entre. Parce qu'on ne peut pas le rendre, par exemple, un peu plus propre par rapport aux autres. Non, je veux dire handicapé ou non handicapé, ça, c'est des toilettes. Tu vois? Que ce soit pour femme ou homme handicapé, ça reste un lieu de défection. Tu peux pas faire ça dans les toilettes. Dans son cas, c'est l'école. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il n'y a que son endroit là où il peut prier à peu près, on va dire, entre guillemets, à l'école. Les toilettes, c'est un lieu de najasa, ça. Il y a des impuretés, c'est pas un lieu qui permet pour la salade. Que ce soit handicapé ou handicapé. Parmi les conditions de la salade également, que le lieu où tu sois, dans sa salade, il soit propre, pur. Et les toilettes, non. Par contre, maintenant, si c'est un lieu. Les toilettes sont séparées par une porte, ils sont pas, tu vois. Peut-être. Mais maintenant, c'est dans le lieu là même où il y a la le cabinet, là, la cuvette. Ça, non. C'est rarement que quelqu'un rentre à l'intérieur. C'est rarement parce que c'est jamais en fait. C'est pour ça qu'elle a demandé ça. Ah, ma femme. Non. Dans les toilettes, non. Ça, dans les toilettes, non. C'est pas un lieu qui est permis pour la salade. Non, la douche, dans les autres douches, c'est permis. Mais. Je voulais savoir les vestiaires où il y a des douches. Pas toilettes, mais où il y a des douches. Ouais, non, c'est bon, là. C'est un lieu, tu peux faire la salade dedans. Non. Parce qu'il n'y a pas d'impureté dedans. Taïb. Et aussi un point important, là, qu'il a cité, que j'aimerais lire. Il dit Fa awwal barakat al rizq an yakun mu'assasan ala taqwa wa niyya saliha. Min barakat al rizq. أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة. Il a dit pour avoir la baraka dans ton risque, que ce risque déjà la cause soit bâtie sur la piété et une bonne intention. C'est-à-dire quand tu travailles, tu fais un travail qui est halal et ton intention c'est d'avoir ton risque qui est halal pour faire ce qui est obligatoire pour nourrir ta famille ou t'occuper de toi-même et autres. Donc tu as une bonne niya. Donc tu auras une baraka dans ton argent. Même s'il n'y a pas beaucoup, tu auras une baraka dedans. Biznillah ta'ala. Et que cet argent-là, tu le dépenses dans le bien. D'accord ? يقول من بركة الرزق ألا ينسى أو لا ينسى العبد الفضل في المعاملة كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم بالتيسير على الموسرين وإنذار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير. Et il a dit aussi qu'est-ce qui apporte une baraka dans le risque ? C'est que le serviteur n'oublie pas le mérite d'avoir des bons échanges avec les gens. Dans le sens où Allah dit, et n'oubliez pas le bien qui est entre vous. Les relations qui sont entre vous, entre les croyants. Comment cela? En facilitant celui qui n'a pas les moyens. Si tu es un commerçant, tu l'aides. Également celui qui a une dette. D'accord? Tu l'aides. Dans la vente et dans l'achat, tu n'es pas trop dur dans les prix. Tu ne lèves pas trop les prix. Et tu aides. Et surtout, un point que j'ai constaté chez beaucoup de frères, c'est qu'ils ont plus une relation employé-employeur qu'une relation entre frères. Ça, c'est triste. Tu vois, l'employé parle à son frère comme si c'était je ne sais qui. Faut pas oublier que cette relation employé-employeur, elle peut cesser. Demain, il peut te renvoyer. Ou toi, tu peux démissionner. Mais vous restez des frères. Donc, faut pas que lorsqu'un frère emploie d'autres frères, il faut pas qu'il ait devant lui, il a quoi? Il a des frères. Donc, parle-leur bien. Tu peux avoir un impératif, c'était le patron, mais tu parles pas à des chiens. Ce sont tes frères. Parle bien. Sois gentil avec eux. Et tout comme également l'employé, d'accord? Il sait que son employeur, c'est un frère. Il ne demande pas trop non plus. C'est pas y rentrer dans des choses qui dépassent la religion. Il dit, moi, je veux ça, c'est mes droits, je veux ci, ça, prud'homme, je sais pas quoi. Dis calme-toi, c'est ton frère. Entendez-vous avec la religion en premier lieu. Après, s'il n'y a pas d'aboutissement, on a un savant, un chir, comment faire? D'accord? Chacun n'oublie pas qui est devant lui. T'as un frère devant toi. Parce que j'ai vu des fois des frères, ils parlent très très mal dans le travail. Ça, c'est pas bon. Ou des fois, des frères, ils vont avoir un côté de mannen, dans le sens, déjà, tu travailles avec moi, tu fais la salade, tu sois content. Tu vois? À la base, la salade, elle est obligatoire avec toi ou avec un autre. Donc, je vais pas être content. Normalement, toi-même, c'est ton wadi de me laisser faire la salade. Même, on doit la faire ensemble, toi et moi. Donc, crois pas que je te dois quelque chose pour ça. Et t'en as, ils ont ce côté-là. Et tu travailles chez un frère, tu fais la salade, on sera content. Tu vois? On dit là, ça, c'est un genre de kelam, il n'y a pas à voir. Que je travaille pour un frère, que je travaille pour Foulen ou Foulen parmi les koufars, ma salade, je dois la faire. Et toi, tu dois m'aider à la faire la salade, à l'heure. Donc, il n'a pas à avoir à le gratifier pour ça. C'est le minimum à faire. C'est le minimum que tu me fais ma salade. C'est le minimum à faire, à l'heure. Et là, par rapport à ça, je ne dois rien, Marie. Et cette salade, je dois la faire moi, et toi aussi. T'as même temps? Donc, les relations entre frères, avant les relations employé-employeur, c'est relations muslim-muslim. Mu'min-mu'min. Et ça qui passe en premier. On s'entend avec ça. Si maintenant, il n'y a pas d'entente, on regarde. Si le problème, il est trop large, et qu'il dépasse cela, il y avait nos relâmes à y voir. Non. Avant d'arriver aux prud'hommes, et aux avocats, et aux tribunaux, et je ne sais quoi. Et ton âme, malheureusement, il dépasse les limites aussi. Quand il rentre dans ce genre de conflit, il dépasse ses limites. Non. Pas arrivé. C'était sur la catégorie des croyants en trois catégories. C'est les deux premiers qui rentrent dans le croyant fort. Le premier, il est fort. Le deuxième, il est moins fort. Et le troisième, il est encore moins. En fait, c'est relatif. Parce que tu as fort, parmi les forts, tu as le très fort. D'accord? Tu as ça qui sera moins fort que lui, mais il sera plus fort que les autres. Donc après, c'est relatif. Donc tu as le fort et tu as le faible. Mais dans le fort, ça englobe plusieurs catégories de force. Et la faiblesse également. Plusieurs catégories de faiblesse. Tu en as, ils sont faibles, ils sont encore plus faibles qu'eux. Tu vois? Mais lui, il a mis les trois dans le sens où le fort, ben, il est au-dessus. Après, celui qui est muqtasid, il reste fort également, mais moins que l'autre. Et celui qui est injuste envers lui-même, il est faible. Mais parmi ceux-là, t'en as, ils sont pires que l'autre. Également. Tu vois, c'est comment dire, en dégradé, quoi, en gros. Question par rapport au Ders? Là? La faune? Donc, on a appris le hadith, le premier, que celui qui a Allah Azza wa Jalla, il veut du bien, il faut qu'il vous fait din, il veut comprendre la religion. À cause du travail. Ouais. En fait, c'est pas le travail qui lui impose de faire ça, mais c'est par rapport à ce qu'il fait lui. Ça lui mène à faire quelques interdits. Si c'est pas le travail, ça revient à lui, ça. Si c'est pas lié au travail, ça revient à lui, comme s'il était chez lui pour faire des interdits aussi, ou s'il est. Même au masjid pour faire des interdits. Si c'est lié à lui, ça, c'est lié à lui. C'est... Non. Base, le travail il est autorisé, mais il le pratique dans un lieu ou dans un truc qui est, par exemple, il est agent de sécurité, mais pour un tournage de film, ou un truc comme ça. Ça se passe comment ? Ça, après, si ça rentre dans le verset « Wa ta'awanu al-libir wa taqwa wa la ta'awanu al-ism al-udwan » C'est-à-dire, entraidez-vous dans le bien et l'obéissance, et ne pas s'entraider dans le péché et la désobéissance. Tu vas avoir un travail qui peut être de base halal dans des conditions haram. Là-dessus, les ulama divergent. Il y en a, ils voient que l'argent est haram, d'autres qui disent que non. L'argent est halal, mais tu as le péché de ce travail-là. Par exemple, tu travailles, tu es un menuisier, à Salène, tu es un menuisier, et dans ton travail, il n'y a que des femmes avec toi. Donc tu es dans la mixité. On va dire de base, menuisier, c'est halal. Mais être avec ces femmes-là, ce n'est pas permis. Donc tu auras le péché de ces femmes-là, mais ton argent est halal. D'accord ? Mais maintenant, comme tu as des sécurités pour protéger un lieu qui est mal, là, tu rentres dans l'entraide, dans le mal. Donc là, tu vas dans un truc qui sera haram. Mais par contre, tu peux si jamais tu es agent de sécurité dans un truc qui est halal, là, il sera halal. Tu vois ça ? C'est-à-dire l'argent, dans ce cas-là, il est haram. Il sera haram, non. Parce que de base, tu fais un travail qui ne sera pas permis. Tu vois ? Dans des conditions qui sont, elles, ne sont pas permises pour des gens qui font une chose qui n'est pas permise. Non ? Tu avais levé la main ? Là ? Donc, comprends la différence entre un travail qui est haram, de base, en lui-même, un travail qui est halal dans des conditions de travail qui sont haram, et un travail qui, lui, devient halal dans tous les sens, et ainsi de suite. D'accord ? Non. Ok, barakallah.